c'est à toi que je pense aujourd'hui. Pour ces jours et pour toutes ces nuits. Et de ma vie, je n'ai jamais connu l'ennui. Depuis le jour où tu m'as séduit. Si je t'aime pour l'éternité, je te veux toujours à mes côtés. Je saurai bien te garder. Si mon cœur bat comme un tambour, c'est le rythme un peu fou de l'amour. De l'amour. Tu sais tes yeux, je n'ai pas assez. C'est de